بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. On se retrouve aujourd'hui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre notre lecture de ces fatawa du Cheikh Al-Allama Ahmed bin Yahya Al-Najmi, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, parmi les grands savants de notre époque, les grands savants salafis de notre époque. Donc, aujourd'hui, le samedi 26 Rabi al-Awwal, 1443 de l'Hégire, correspondant au 22 octobre 2022, nous commençons par la septième question qui a été posée à son éminence, dans laquelle il est dit « هل ورد في الكتاب والسنة الإنكار العلني على الولاة من فوق المنابر » Est-ce que ça a été rapporté dans le livre et dans la tradition du prophète alayhi salatu wassalam, dans le livre d'Allah et la tradition authentique du prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il a été rapporté le blâme en public des gouverneurs? Est-ce que ceci a été rapporté de leur faire des blâmes et de leur adresser des reproches d'une manière publique et ouverte? Est-ce que c'est ça la méthode qui a été rapportée dans le livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam? Il dit, rahimahullah, al-haqiqatu anna al-inkar al-alani ala al-wulati amrun muhdath. En réalité, le blâme en public des gouverneurs est une chose innovée. Et ça ne fait pas partie des fondements de la sunna. Car le prophète alayhi salatu wassalam dit Ala man waliya alayhi walin fara'ahu ya'ti shay'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti wa la yanzi'anna yadan min ta'a. Car le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dans un hadith rapporté dans l'authentique de l'imam muslim, il dit que celui qui voit de son gouverneur un péché, c'est-à-dire il le voit tomber dans un péché, qu'il désapprouve ce que le gouverneur fait et qu'il le déteste, mais il ne sort pas de son obéissance, c'est-à-dire il ne se rebelle pas contre lui, parce qu'il est tombé dans un péché. C'est comme ça que dit notre prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète de la guidée. إذن فلا يجوز الإنكار العلني على المنابر لأن الأضرار التي تترتب عليه أكثر من فائدته. C'est pour cela qu'il n'est pas légiféré de blâmer et de faire des reproches et des critiques au gouverneur d'une manière publique, que ce soit dans les discours de l'Jumu'ah ou dans les cours dans les mosquées ou sur les sites d'internet et ainsi de suite. C'est pas comme ça qu'on fait le conseil aux gouverneurs muslimines. Car les méfaits qui en découlent sont beaucoup plus grands que ce qu'il peut y avoir comme profit, si jamais il y a un profit. Et ceux qui pratiquent ça, ceux qui pratiquent l'inkar al-alani, ceux qui blâment publiquement les gouverneurs, lui-même, si tu le critiques publiquement, il ne va pas l'accepter. Alors qu'il n'est pas un gouverneur. Ce n'est pas une personne qui dirige un pays. Il ne dirige personne. Et malgré ça, si tu le critiques, publiquement, il ne l'accepte pas. Alors, que dire d'un gouverneur qui a l'habitude d'être obéi et écouté seulement? Quel intérêt il puisse en découler de cette blâme et de cette critique publique? Ensuite, il a dit, rahimahullah, « Wa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, qad amara bin nasihati li'ammati al-muslimina wa li'khassatihim, faqala kama fi hadithi tamimin al-dari radiyallahu anhu, ad-dinu al-nasiha, ad-dinu al-nasiha, ad-dinu al-nasiha, qulna liman ya Rasulallah, qala lillahi wa likitabihi, wa li'a'immati al-muslimina wa ammatihim. » Le Nabi a ordonné de porter conseil pour les musulmans en général et pour leur gouverneur, comme dans le hadith Tamim ibn al-Dari, qu'Allah l'agré, le prophète a dit, la religion c'est an-nasiha. La religion c'est an-nasiha. La religion c'est an-nasiha. C'est le bon conseil. Nous avons dit pour qui au messager d'Allah? Il a dit à Allah, son livre, son messager et les imams des musulmans ainsi que les musulmans en général. Donc, nasiha pour le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nasiha pour Allah subhanahu wa ta'ala d'abord. C'est de se conformer à ses ordres et de lui obéir et de l'unifier dans l'adoration, ainsi de suite. Pour le livre d'Allah également, le prendre comme unique juge et le lire et le méditer et le mettre en pratique. Se conformer à ses ordres et s'éloigner des choses qu'il interdit. Le messager, alayhi salatu wassalam, et les imams des musulmans qui sont leurs gouverneurs, ainsi que pour les gens de la masse. Donc, nasiha est demandé pour tout cela qui sont cités dans ce hadith. Shaykh dit, « Lakin nasihata li a'immati al-muslimin » Mais comment doit se faire un nasiha pour les gouverneurs des musulmans? Quelle est la méthode juste? La réponse, yambari an takuna bi sifatin sirriya hatta takuna anjaha li qabul al wali hadha huwa al asl. Un nasiha pour le gouverneur doit se faire d'une manière secrète et discrète entre toi et lui. Et non pas en public, afin qu'elle soit acceptée et afin de l'aider à l'accepter. C'est ça la règle de base. وقد قال أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قيل له ألا تكلم عثمان رضي الله عنه فقال أتظنون أني لا أكلمه إلا أن أسمعكم. Quand les gens ont dit à Usama ibn Zayd ibn Haritha, celui qui était appelé au début de l'islam, le fils adoptif de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après l'adoption a été abrogé, et Usama c'est son fils de Fatima bint Qais radiyallahu anha. Fatima bint Qais, c'est l'épouse de Usama. Mais Usama, c'est le fils de... J'ai oublié le nom de sa mère, une sahabi de Naam, de Ummu Ayman. Baraka Ummu Ayman, radiyallahu anha. Donc, Usama, radiyallahu anha, on lui a dit, pourquoi tu parles pas à Uthman? C'est-à-dire, pourquoi tu ne le conseilles pas? pourquoi tu ne conseilles pas Uthman ? Uthman ibn Affan, le troisième calife bien guidé, parmi les quatre califes bien guidés, et le troisième meilleur homme de cette communauté, après Abu Bakr et Omar, radiyallahu anh, l'époux de deux filles du prophète, alayhi salatu wasalam. Et ça ne s'est jamais produit. C'est une chose qui ne s'est jamais produite dans l'histoire de l'humanité, qu'un homme épouse deux filles d'un prophète. C'est arrivé uniquement à Uthman, radiyallahu anh. Il a énormément de mérite. Il était le gouverneur. Ils sont venus voir Oussama. Ils lui ont dit, pourquoi tu ne conseilles pas Uthman par rapport à certaines choses que les gens voyaient de loin comme des erreurs dans sa gouvernance. Mais en réalité, il y avait des explications chez les compagnons pour tout ce que Uthman radiallahu anhu faisait. Il y en a qui pensaient qu'il favorisait ses proches. Lakin, ce n'était pas ça, en réalité. Donc, il a dit, la réponse de Oussama, radiallahu anhu, il a dit, vous pensez que je ne le conseille pas jusqu'à vous le dire. C'est-à-dire, il le conseille, mais en secret, discrètement, entre lui et lui. Mais les ignorants, ils veulent que quand les savants ils font conseil au gouverneur, ils sortent, ils disent, aujourd'hui j'ai conseillé le gouverneur, je l'ai blâmé sur ça et ça, je lui ai montré son erreur dans ça et ça. Les ignorants, ils veulent ça. Lakin l'ulama, avec la science et la sagesse qu'Allah leur a donnée, ils ne se taisent pas sur le munkar, sur les choses blâmables, mais ils conseillent comme Allah et son messager leur ont ordonné. Et leur but, c'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, en se conformant à la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et non pas de faire plaisir à la masse, comme le font les hizbiyyin. Car pour les hizbiyyin, le vrai savant, c'est celui qui critique le gouverneur en public. C'est celui, et quand il est emprisonné par le gouverneur, alors là, il a atteint le degré de l'imam. Mais reviens à la sunna, et tu sauras la bonne méthode. Et la méthode juste dans le conseil des gouverneurs. Ouvre le livre de l'authentique de l'imam muslim, chapitre de l'imara, la gouvernance, et lis ce qui a été rapporté du prophète dans ce domaine. إذن الأصل هكذا في السنة ومن يقف على المنبر ويقول رسالة إلى الملك الفلاني أو إلى الوزير الفلاني أو ما أشبه ذلك. Donc c'est ça la sunna quand on conseille le gouverneur. Par contre, celui dans le discours de Jumu'ah sur le minbar, il commence à dire message adressé au roi un tel, message adressé au ministre un tel, et il leur adresse des messages de critique et de reproche à travers son discours de Jumu'ah ou à travers son livre qu'il écrit ou n'importe quelle manière publique. Ça a le même jugement. La seule méthode, comme c'est rapporté dans Sunna, c'est de conseiller entre toi et le gouverneur. Et bien évidemment, quand les savants ils disent qu'on conseille le gouverneur d'une manière discrète, ils ne veulent pas dire que toute personne est habilitée à conseiller le gouverneur. Tu ne vas pas ramener quelqu'un qui a une fonction dans la société très basse et lui dire qu'il va conseiller le gouverneur. Ce n'est pas tout le monde qui va conseiller le gouverneur. C'est ceux qui accèdent auprès du gouverneur, ceux qui sont écoutés par les gouverneurs, notamment les hommes de science. Ce n'est pas les ignorants, tout le monde y vient et conseille. C'est ceux qui accèdent auprès de ces gouverneurs et qui y sont écoutés. Comme dans hadith le hadith du prophète Aïssa au salam, Cheikh ne l'a pas cité. Je sais qu'il a cité à un moment, peut-être qu'on l'a déjà vu. Là, qu'il en tout cas, c'est un hadith très connu de Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radiallahu anhu. Ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui voit de son gouverneur quelque chose de blâmable, man ra'a min amirihi munkaran, فلا يبده علانية. Qu'il ne le blâme pas en public et qu'il prenne le gouverneur par la main, qu'il le prenne par la main, yani il s'isole avec lui, entre lui et lui, et il lui dit ce qu'il a à dire. Il lui montre, voilà, sunna c'est comme ça, ce que tu as dit, c'est pas conforme à la sunna, ainsi de suite, de la bonne manière, il choisit ses termes, yani il est demandé de s'adresser à chaque personne selon son niveau. Tu t'adresses à un roi, pas de la même manière comme tu t'adresses à quelqu'un yani, qui n'a pas ce poste-là. Et tu lui dis ce que tu as à dire. S'il accepte de toi, alhamdulillah. Sinon, tu auras accompli ton devoir. Et ta responsabilité est acquittée. Mais bien évidemment, pas toute personne est habilitée à le faire. C'est ceux qui ont la science, qui ont la sagesse, et qui savent comment on s'adresse aux gens très haut placés, notamment les gouverneurs, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des erreurs. Et ça ne fait pas partie de manhaj Ahl al-Sunnah wal-Jama'a de blâmer les gouverneurs publiquement. Celui qui voit un péché ou quelque chose de blâmable de la part du gouverneur, qui s'adresse à lui d'une manière discrète. Si son conseil est accepté, alhamdulillah. Sinon, son devoir est accompli et sa responsabilité est acquittée. Et il ne sera plus reproché, et rien ne lui sera reproché après cela. La question suivante. بعض طلاب العلم وجه نقده إلى فئة من الدعاة الذين أخطأوا في المنهج فهل تعتبر هذه غيبة لهم أم لا؟ Certains parmi les étudiants en sciences ont adressé des critiques et des reproches à certains prêcheurs qui sont tombés dans des erreurs dans le manhaj. Est-ce que ça est considéré comme une riba ou non? Est-ce que c'est une médisance ou non? La réponse de Cheikh Rahimahullah. Peut-être que je ne vais pas tout lire en arabe. Hein, je vois que le temps passe très très vite. Donc la réponse de Cheikh, rahimahullah, c'est que da'wa, elle doit être faite conformément aux enseignements du prophète, alayhi salatu wassalam, comme Allah l'a déterminé pour ses messagers. Allah azza wa jalla dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Dans le sens approximatif, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager qui leur ordonne d'adorer Allah seul et de s'écarter du taghout. Taghout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est-à-dire de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé cette da'wa également pour son prophète alayhi salatu wassalam, qui est le sceau des prophètes, le dernier. Il a dit قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète alayhi salatu wassalam, de dire à sa communauté que c'est ça, sa voix. C'est quoi la voix du prophète, alayhi salam? Il appelle à Allah. Il appelle à Allah. Il appelle pas à un cheikh ou à un parti politique ou à une personne. Il appelle les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la sincérité. Il appelle à Allah. Ala basira. Avec preuve évidente, avec science, avec clairvoyance, et non pas avec ignorance, comme le font tablir. Quelqu'un qui n'a jamais étudié dans sa vie, peut-être un alphabète, qui ne connaît même pas les conditions de la ilaha illallah, il sort comme un prêcheur, comme un da'ia. Il parcourt les pays, les continents, en négligeant les membres de sa famille, en délaissant ses obligations pour faire la da'wah. On aimerait tous faire la da'wah, mais pour y arriver, il y a des étapes qu'il ne faut pas brûler. Demande la science et appelle selon la science que tu auras acquis. Et commence comme le Nabi Aïssa a commencé, par les plus proches. Et commence aussi dans ta da'wah par le plus important, comme le Nabi Aïssa a commencé, par Tawhid. Et cette secte égarée de Tablir, c'est une secte qui n'appelle pas au Tawhid, d'une manière générale. Il se peut que tu rencontres quelqu'un qui a été influencé par Salafiyin à force de lui reprocher de ne pas appeler au Tawhid, et il le fait pour ne pas avoir leur critique seulement. Ou il profite de la da'wah salafiyya dans ce sens-là, tout en restant attaché à Jama'at al-Tablir, à cette secte de Tablir égarée. Mais pourquoi on peut dire que cette secte n'appelle pas au Tawhid? Regarde les fondateurs. Les fondateurs de cette secte, eux-mêmes, ils ont des choses de shirk. Mohamed Ilyas, le fondateur même de Da'wah al-Tablir, lui-même, ils ont rapporté de lui qu'il s'asseyait à côté de la tombe et qu'il invoquait à côté des tombes. Et sa tombe, elle est dans une mosquée. Au jour d'aujourd'hui, il a été enterré chez lui, comme si c'était un prophète. Tous les musulmans sont enterrés dans les cimetières des musulmans. La seule exception qu'il y a, c'est le prophète, alayhi wassalam, et ses deux compagnons. Même ses épouses, elles n'ont pas été enterrées avec lui dans leur maison. Toutes ont été enterrées dans les cimetières des musulmans, ainsi que tous les compagnons. Mais le prophète, alayhi wassalam, avec ses deux compagnons, ils étaient inséparables dans le dunya, inséparables même dans leur tombe, et ils seront ensemble dans le paradis, radiyallahu anhum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ça, c'est une exception. Et le Nabi alayhi salam, il n'a pas été enterré dans une mosquée. Il a été enterré dans une maison collée à la mosquée. Après, suite à l'erreur d'un gouverneur, la maison a été entrée dans la mosquée. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, personne ne peut se diriger vers la tombe du prophète alayhi salam dans sa salat. Donc ça, c'est la méthode, c'est la voix du prophète alayhi salam. Il appelle à Allah avec science, lui ainsi que ceux qui l'ont suivi. Donc si tu veux suivre le prophète alayhi salam, appelle à Allah avec sincérité et avec science. Wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin. Pureté et gloire à Allah, et je ne fais point partie des associateurs. Le Nabi alayhi salam, il ne fait point partie des associateurs. ni dans ses croyances, ni par son corps. Il s'est éloigné d'eux dans tous les sens du terme, avec le cœur comme avec le corps. Avec le cœur, c'est l'alliance et le désaveu. Et avec le corps, c'est l'émigration. Donc celui qui vient avec une méthodologie différente de la méthodologie du prophète alayhi salatu wassalam dans la da'wa, les savants doivent montrer ces erreurs et montrer ces égarements. Ça, c'est un devoir pour les hommes de science. Et celui qui ne montre pas ses erreurs parmi les hommes de science, tout en les connaissant, tout en ayant conscience, tout en ayant pris connaissance de ses erreurs, il est dans le péché. Tout savant qui connaît les erreurs de cette personne qui a dévié de la sunna ou qui n'est pas sur la sunna et qui ne met pas en garde contre ses erreurs, il est dans le péché. Sauf dans un seul cas. Si le devoir de la réfutation a été fait par un certain nombre de savants et que ça a suffi. Regardez la précision du cheikh, rahimahullah. Regardez la précision. Donc, tous les hommes de science doivent mettre en garde contre les erreurs et les égarements dans la da'wa, sauf dans un cas où ce n'est pas un devoir pour chaque savant, un devoir individuel. C'est un devoir, comme on dit, fard kifa'i, d'une manière collective. C'est-à-dire, s'il y a une partie d'hommes de science qui font ce devoir et qui réfutent ces erreurs et que leur réfutation est suffisante. Pourquoi cette précision? Parce que des fois, un savant réfute, mais les gens ne sont pas encore convaincus. Ils disent pourquoi il n'y a qu'un seul savant qui a fait la réfutation. Et pourquoi les autres, ils n'ont rien dit. Donc des fois, ça ne suffit pas. Ça reste obligatoire pour les autres. Jusqu'à ce qu'un nombre suffisant remplisse ce devoir, après ça devient seulement recommandé et non plus obligatoire. Ça reste toujours recommandé. Lakin, ce n'est plus une obligation religieuse. Et aussi, il faut savoir que ce n'est pas une condition de conseiller celui qui est tombé dans l'erreur avant de montrer ses erreurs publiquement. Ce n'est pas une obligation. Mais l'homme de science et les savants, ce qu'on voit d'eux, d'une manière générale, c'est qu'ils n'ont recours à la mise en garde publique et à montrer les erreurs et dévoiler les erreurs d'une personne jusqu'à la conseiller. Et même des fois, ils peuvent la conseiller pendant des années et des années. 10 ans, voire plus dans certains cas, car ils espèrent qu'elle revienne à la vérité. Et ça, c'est plus aimé pour eux que le fait qu'elle continue dans l'égarement et les erreurs. Car aussi, avec son retour vers la vérité, les suiveurs vont revenir également. Là, quand quelqu'un il s'égare et les savants ils le réfutent, forcément il va prendre avec lui une partie. S'il était avec les salafis, il va prendre avec lui une partie de ceux qui étaient avec les salafis. Ceux qui suivent les hommes et non pas la vérité. Mais tout le monde dit qu'il suit la vérité et pas les hommes. Da'awa, c'est facile. Tous en prétend ça. Mais il faut venir à la réalité pour voir qui suit vraiment la vérité et qui suit les noms et les hommes. Donc en général, les hommes de science, ils conseillent avant de montrer les erreurs publiquement d'un prêcheur. Mais ce n'est pas une obligation. Il faut le comprendre. Ce n'est pas une obligation. Tu as fait une erreur en public. Je suis en droit de faire une mise en garde par rapport à cette erreur avec les preuves en public. Tu reviens sur ton erreur. Alhamdulillah. Lakin, tu ne peux pas imposer qu'on te fasse le conseil avant de mettre en garde. Car l'erreur a été faite en public. Contrairement à quand c'est une erreur qui n'a pas été faite en public. Ici, on parle des erreurs faites en public, propagées. On ne peut pas se taire et laisser l'égarement se répandre jusqu'à ce que toi, tu acceptes de lire ce qu'on te dit, ce qu'on t'écrit et d'écouter ce qu'on te dit. Et peut-être tu vas mettre des années. Tu veux prendre ton temps, il n'y a pas de souci. On va préserver la communauté avec la mise en garde contre ces erreurs. Et le jour où tu reviendras, tu es avec nous, tu es avec Salafiyin, alhamdoulilah, il n'y a pas de souci. Il y a des savants qui suivent cette deuxième méthode que j'ai citée. Et les deux vont dans le sens de la sunna et de la salafia. Et parmi salaf qui étaient comme ça, parmi salaf qui privilégiaient le conseil, et dans les deux, il y a une sagesse. Wallahu a'lam. Lakin, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas exiger le conseil avant la mise en garde. Ça, ce n'est pas un devoir ni une obligation religieuse. Nabi alayhi salam a dit « Man ra'a minkum munkaran falyughayyir » Celui qui voit quelque chose de blâmable, qu'il le change. Donc, changer le blâmable est une obligation religieuse pour préserver la communauté. Conseiller la personne, c'est pour la préserver elle. Et l'intérêt de la communauté passe avant l'intérêt de l'individu, bien évidemment. Lakin, comme j'ai dit, la plupart des cas, les savants ils privilégient la siha en discrétion, la nasiha discrète, et ils conseillent la personne. Et ensuite, si elle ne revient pas, il propage la mise en garde. Donc celui qui dit qu'il ne faut pas montrer les erreurs des prêcheurs et les déviances et les choses dans lesquelles ils se sont écartés de la sunna, celui-là il est dans l'erreur. Celui-là il est dans l'erreur. Le devoir, c'est de montrer les erreurs et de conseiller et de blâmer s'il le faut. Tayyib, nous allons passer à la 14e question. Certains jeunes sont dans la gêne par rapport à se dire salafi. Quelle est votre recommandation? Quelles sont vos recommandations pour ce genre de frères? Certains frères, ils sont dans la gêne de dire que je suis salafi. Ils sont dans la gêne par rapport au dire qu'ils sont salafi. Il dit, moi je me limite à dire je suis musulman. Et je ne dis pas que je suis salafi. Pourquoi? Parce que ses frères, Cheikh, il a une autre réponse dans laquelle il a détaillé un point qu'il n'a pas cité ici. Il y a des frères qui confondent les deux usages du terme salafi. Salafi, ça peut se dire et être considéré comme une éloge. Salafi, je suis comme salaf dans leur adoration, dans leurs efforts, dans leur comportement. Ça, na'am, on ne le dit pas. Mais salafi a un autre usage dans le sens où tu montres la méthodologie que tu suis. Tu suis le livre d'Allah et la sunna authentique de son prophète, alayhi salam, avec la compréhension des compagnons, radiyallahu anhum. Salafi. Donc c'est pour montrer la méthodologie que tu suis dans la religion. Et non pas pour montrer

afin de gagner les élections pour accéder au Parlement. Car l'accès au Parlement se fait par le biais des élections et des votes. Eux, ils visent cela. Donc, ils visent l'accès au poste. L'accès au poste, soi-disant pour appliquer la charia par la suite, mais vous avez entendu par vous-même, quand ils accèdent au pouvoir, ils commencent par se désavouer de charia. Et ils disent des choses très très graves, qui peuvent arriver au degré de la mécréance. Et j'ai entendu d'un d'entre eux, il a dit, le jour où il a gagné les élections, il a dit, la démocratie a gagné. La démocratie a réussi. Et vous avez entendu de Tariq Ramadan en France, son appel à un moratoire et à la cessation de l'application de charia dans tous les pays de l'islam. Donc, ils prétendent, pour gagner les sentiments des musulmans, ils prétendent vouloir appliquer l'islam. Mais celui qui a un minimum de bon sens, il voit qu'eux-mêmes, ils n'appliquent pas l'islam sur leur personne. Tu rentres dans leur maison, ils n'appliquent pas charia. Comment ils vont l'appliquer sur la communauté? Ça, c'est juste des slogans pour gagner les sentiments des musulmans naïfs. Leur objectif, c'est seulement d'accéder au pouvoir et d'accéder au poste. Et après, il devient comme les autres, voire pire. Et en réalité, ces ikhwan, ils sont ignorants à la fois de sharia et ignorants même du fonctionnement de ces parlements. Si vraiment ils pensent qu'une fois que tu arrives, tu vas pouvoir faire des changements, ils sont complètement ignorants de la réalité du fonctionnement de ces parlements. C'est pour ça, Al-Sunnah wal-Jama'a, chez eux, il fait partie de la politique religieuse de s'éloigner de la politique basée sur le mensonge et la tromperie et la tricherie. Comme il disait Cheikh Al-Albani, rahimahullah, fait partie de la politique de délaisser la politique, fait partie de la politique religieuse, la politique de l'islam, de délaisser la politique corrompue. Et la réforme, elle se fait comme le Nabi alayhi salam a réformé. Il n'a pas cherché à accéder au pouvoir pour réformer. Il n'a pas commencé sa da'wa par appeler au vote et aux élections. Au contraire, ça lui a été proposé. Il l'a refusé. Il a commencé sa da'wa par une da'wa au tawhid, par une da'wa à la réforme des cœurs. Et c'est comme ça que doivent être ceux qui sont sur la même voie que lui, alayhi salatu wassalam. La 16e question, est-ce que l'ikhwan, ikhwan al-muslimoun, les frères musulmans, est-ce que ils ont une même méthode dans la da'wa ou leur méthode varie d'un pays à un autre? Cheikh, il dit que leur méthode dans la da'wa est unique dans tous les pays jusqu'au jour d'aujourd'hui. Wallahu a'lam, Cheikh, il parle des grandes règles. Ils ont les mêmes bases partout où qu'ils soient. Ils sont tous d'accord sur l'alliance et le désaveu par rapport à leur parti politique. Ils ont tous la règle de l'ma'zira wa ta'awun. Ils s'excusent les uns les autres par rapport aux choses dans lesquelles il y a des divergences entre eux. Ils s'entraident dans les choses sur lesquelles il y a un accord. Ce qu'on appelle qa'idat al-ma'zira wa ta'awun. Ils ont la même vision pour la politique. Mais tu trouves que dans chaque pays, ils ont des caractéristiques propres à ce pays-là. Car les frères musulmans, ils s'adaptent au pays. Et ils montrent aux gens qui sont au pouvoir, il leur montre le visage qu'ils veulent voir d'eux, afin qu'ils soient satisfaits d'eux. C'est pour ça, tu trouves dans chaque pays, ils ont des caractéristiques spécifiques. Dans certains pays, tu vas trouver la majorité d'entre eux, c'est des maturidis dans l'aqidah. Dans d'autres, tu vas trouver, c'est des gens qui s'affilient à la voie de salaf dans le domaine de l'asma ou sifat. Comme en Syrie, par exemple. Et ainsi de suite. Donc, ils ont les mêmes bases communes, mais après, dans chaque pays, ils s'adaptent. Voilà, nous allons nous arrêter aujourd'hui sur cette question et nous poursuivons bi'idhnillahi ta'ala la semaine prochaine. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.